Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonjour à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Et non Cédric, pas de public aujourd'hui puisque nous sommes, toi et moi, et le public aussi en confinement. Mais ce n'est pas un virus qui va nous arrêter, du live nous en aurons bien pendant une heure. Tout à fait Francis, et nous avons décidé de vous proposer une émission à thème avec les plus belles rencontres musicales qui ont eu lieu durant le Blues Café Live. Oui Cédric, il y en a eu beaucoup. Il s'agit d'ailleurs parfois de titres complètement inédits, de jams improvisés qui ont lieu au Millennium une fois l'enregistrement de l'émission terminé. Nous sommes effectivement allés fouiller dans nos archives pour vous offrir une heure de live complètement inédit. Oui, et on va commencer avec une belle rencontre. C'était en novembre 2019, Mr. Matt était sur scène et tout à la fin, nous avons eu la surprise de voir débarquer sur scène le groupe The Yelbows, invité lui aussi ce soir-là. En effet, et Mr. Matt et les Yelbows nous ont joué ensemble un bien beau Last Fair Deal Going Down de Robert Johnson qu'on écoute tout de suite pour la première fois dans le Blues Café Live. Ne bougez pas, je crois qu'il y a des gars de Marseille, en plus ils sont tous gros, ils sont tous costauds, je crois qu'ils vont venir faire un petit morceau. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, that a girl falling down a Highland Road. Annabelle, don't cry this time. Annabelle, don't cry this time. If you cry about a nickel, you'll die about time. She won't cry, want your money be mine. Yes, my captain's so mean on me. Yes, my captain's so mean on me. Yes, my captain's so mean on me. Good Lord, that a girl falling down a Highland Road. Baby, come on. Yes, I love the way you do. Yes, I love the way you do. Good Lord, that a girl falling down a Highland Road. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, that a girl falling down the road. That's what. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, and I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the stars begin to shine. Oh, when the stars begin to shine. Oh, and I want to be in the number. Oh, when the stars begin to shine. I told you, double. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah douceur. All I want to be in the number. Oh, when the sins go marching. All right, here we go. Oh, when the sins go marching in. Oh, when the sins go marching in. All I want to be in the number. Oh, when the sins go marching in. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, got a girl 49 out on the road. Si tu veux, Cédric, on va faire maintenant un petit saut dans le temps. Mais on va quand même garder Mr. Matt avec nous. Oui, il était alors encore avec Barefoot Yano, le duo Mountain Man, qui avait participé à une grande fête que nous avions organisée pour les 20 ans du groupe Awake. Donc nous sommes en septembre 2014, et avant de déguster l'immense gâteau que nous leur avions concocté, Mountain Man rejoint Awake sur la scène du Blues Café pour un titre nommé Hush Your Mouth, un titre d'anthologie. Now here's your man. Play your harmonica, Yano. Come on, smell when I take you in my arms. I hush your mouth when I take you in my arms. And the words you can't forget, gonna take you back to daddy's farm. Now play your guitar, Mr. Matt. Benoît Blueboy et ses tortilleurs sont venus nous rendre visite en avril 2014 dans le Blues Café, il y a eu tout de suite comme un air de magie. Mais ce fut carrément la fête finalement quand Amen Mwissi lui-même a fait son apparition lui aussi ce jour-là. Les deux artistes ne s'étaient jamais rencontrés, mais chacun appréciait l'autre. Et oui Francis, cela a été plus fort qu'eux, ils ont eu envie de chanter ensemble et nous, nous étions là pour capter cet instant unique. C'est une reprise de Zachary Richard, Chant qui Chank. Voici Benoît Blueboy et Amen Mwissi, c'était en avril 2014. Tout déchiré, t'es sorti hier soir, tu connais même pas où t'as été couché. Tu peux pas continuer à me faire le chagrin comme ça. Elle fait le chien qui chien, au chien qui chien tous les soirs. Elle fait le chien qui chien, au chien qui chien toute la nuit. Elle fait le chien qui chien. Laissez le bon temps rouler et là-bas. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. You know what? I met a little girl. She was 17. She's, you know what? A doggone queen. I met her. She was dancing with Benoît Blueboy and the tortillas. She was drinking something at the bar. Something like a one scotch and one bourbon and one beer. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Peut-être n'y a-t-il rien de plus excitant finalement que ces jams croisés entre artistes. Souvent, d'ailleurs, elles mènent à des projets en commun. Prenons Manu Manvin par exemple, souvent venu dans le Blues Café d'ailleurs. En 2013, il est accompagné de Neil Black, un autre habitué celui-là. Oui, et nous avons eu droit là aussi à un superbe moment. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. C'est évident, Manu Manvin et Neil Black se sont retrouvés sur la scène du Blues Café et ont interprété une magistrale reprise des Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. On est en août 2013. I saw her today at the reception. a glass of wine in her hand. I knew she would meet a connection. At her feet was her footloose man. No, you can't always get what you want. Come on! No, you can't always get what you want. No! No, you can't always get what you want. But if you try sometimes, then you might find you get what you need. I went down to the demonstration, get my fair share of abuse, sitting away gonna vent our frustration. Know we're gonna blow a 50 amp fuse. Now you can't always get what you want. And you can't always get what you want. And you can't always get what you want. If you try sometime, you just might find you get what you need. Oh yeah, to get what you need. Prescription field. I was standing in line before Mr. Jimmy. Hey, a man, did you look pretty ill? Come on. Yeah, we decided we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. And he said one word to me, and that was it. Now you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, no, no, no. You can't always get what you want. If you try sometime, just might find. Yeah, you get what you need. You get what you need. Yeah, you get what you need. Yeah, to get what you need. Yeah, you get what you need. To get what you need. Yeah, you get what you need. To get what you need. Come on, break it down. Come on, le Bouscafé est une assassoire. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find, hey, to get what you need. Oh yeah, to get what you need. You won't. Francis, il y a parfois des instants étonnants lorsque le style semble a priori très différent entre deux artistes. Cela a été par exemple le cas entre le groupe de rock blues Rome Stomp et la chanteuse Nini Soul. Comme quoi le Blues Café crée de la magie, Cédric. En effet, entre la voix émouvante de Nini Soul et le son rugueux de Rome Stomp, eh bien la fusion s'est pourtant faite sur ce titre nommé The Sky is Bright, et c'était en novembre 2019. Sky is bright, where we show. Sky is bright, hey, sing is come on quite. Sky is bright, come sleep on the sand. Sky is bright, tell me you're here. Sky is bright, Sébastien Rivière. Si actuellement le Blues Café est confiné, il n'en a pas toujours été ainsi et nous nous sommes délocalisés une fois à l'étranger. Oui, oh, pas si loin puisque c'était chez nos cousins suisses en 2016. En effet, nous avions été invités en mars 2018 par le BAG Blues Association de Genève qui organise habituellement des concerts et qui nous avait demandé de venir faire un Blues Café suisse. Ce fut une bien belle expérience, d'autant que nous y avions convié l'américaine Safiri en tournée européenne et invité le groupe phare de la scène blues suisse romande, le Delta Air. Et leur rencontre, eh bien, ça a donné ça. I'm gonna tell my man, you better hitch and run. I'm leaving this morning. Honey, where's my baby at? Oh, I'm leaving this morning. Oh, honey, I'm leaving this morning. Hey, I'm leaving. No, oh, I'm trying to find a man of my own. I said I'm gonna find the street, gonna find my man. Walking down and down that same night, my head. I'm leaving this morning. Oh, honey, I'm leaving this morning. Hey, I'm leaving. No, oh, trying to find a man of my own. One more time, I'm On ne présente plus Rico, talentueux artiste franco-canadien, connu sous le nom de They Call Me Rico, mais c'est aussi lui qui mixe pour nous les émissions du Blues Café dans son studio Magneto à Lyon. En effet, Cédric est à Lyon, eh bien, il y a aussi une autre légende, c'est notre ami Jacques Bon, ex-Gana Fool et désormais en trio blues. Eh bien, tous étaient nos invités en novembre 2018 et ils ont croisé le fer ensemble dans un titre signé They Call Me Rico et nommé This Time. Alors on est très content d'avoir avec nous une légende du blues et du rock lyonnais, monsieur Jack Bon. Disputable fact. keep it in my pants. Whatever people say behind my back is probably true. Regardless of what you might think, I'm still mad about you. Took your love for granted, dancing in this beautiful fight. But now change my ways for good, and you can trust me. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Voilà, c'était notre premier Blues Café Live de confinement, avec quelques-unes des belles rencontres musicales, et souvent humaines d'ailleurs, qui ont émaillé l'histoire du Blues Café Live. Et oui Cédric, il est bon de se remémorer ces moments, car finalement notre passion, si elle est de faire découvrir aux gens des artistes en live et en public, elle est aussi de leur offrir ces incroyables moments d'échange et de rencontres. Et c'est comme ça que ça se passe dans le Blues Café. Et on ne va pas en rester là Francis, puisque nous allons nous quitter sur un dernier moment d'anthologie, la rencontre du groupe Blues Power Band avec les French Blues Explosion. Ils reprennent en juillet 2014 l'énorme The Thrill Is Gone de B.B. King. A bientôt. Bye bye. let's go. Damien Cornelis. Let's go away for good. While the thrill is gone, baby, let's go away for good. Oh, you turn me wrong, baby. I know I should. I'm free to. I'm free, free from the spell. C'était French Blues Explosion et Blues Power Band. Merci beaucoup, Millennium.